libota mobimba babomba kate bato nyoso situation se moko nga na bituni likolo na likambo oyo lelo na zwe ya nyokola pesi nga alobi ezali singa okomona libota mobimba basi kitoko babalaka te babotaka kaka na ndako oyo ya baboti lelo nkolo apesi nga eyano alobi ezali ye singa mama divorsaka yo mpe odivorse o libota mobimba bakufaka kaka na maladi moko ye singa okomona fami mobimba bato mayele basilisaka kelasi te bamosusu ata mpe basilisi kelasi misala eza te bakoma na bango bachampion kaka ya kobeta badame bakar mpe bato mayele yoka lopoto na monoko na mituni likambo nini bamosusu bakoma kaka masolo ya bamizisien ya bahomme politike bayebi banzela ya poto atangano bakoma te nkolo na nzela ya mabondeli toleli alobi ye ya nolele ezali likambo ya singa meme si je commence à mille je me retrouverai à zéro seigneur jésus il vient me délivrer des liens de ma famille j'avais quitté mon pays pour aller en europe alors que la malédiction n'a pas besoin d'un visa pour atteindre une personne ah tu as envoyé les apôtres vous délivrer l'amour qui était attaché au village aujourd'hui c'est mon tour yaka kokangolanga nkolo yesu matelanga Tatola kakomona yoye